un avenir fixe, face au fiches reste clean, même si beaucoup parlent, ici peu agissent, nous abrutissent de toutes parts, rêve qu'on s'attagisse. Est-ce que c'est ça la vie? Chercher ce qu'il y a après. Armée se profite en cas où elle m'échapperait. Avant la fin du match, je suis couché sur le tatami. Je fais pas grand chose pour voir mes amis. M'éloignant de ma famille au ralenti. Navigant dans ma vie, qu'est-ce qui m'arrive? Le chambre ravi, marine grandissante. Ma lime hante mes nuits. Et je m'imagine dans 10 ans. Quelle panique quand j'y pense. Je sais même plus si je mens quand je m'exprime gentiment.